Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Jésus suivit le chemin de la croix, c'était pour nous délivrer de notre libre sang. Jésus mourut pour nous. Quand Jésus suivit le chemin de la croix, c'était pour nous. Pour nous délivrer de notre libre sang, Jésus mourut pour nous. Quand Jésus suivit le chemin de la croix, c'était pour nous. Pour nous délivrer de notre libre sang, Jésus mourut pour nous. C'est mercredi les enfants et à chacun son lecteur. Gardez. Bienvenue amis auditeurs de la vie, surtout à nos petits camarades toujours fidèles à l'émission Méditons ensemble avec les tout petits. Et nous y sommes aujourd'hui avec la monitrice Ange et la mise en onde est assurée par Tonton Emmanuel Yao. Et notre guide de méditation est le lecteur cadet. Donc Méditons ensemble est notre émission coproduite par la Ligue pour la lecture de la Bible et la radio Fréquence Vie. Comme on l'avait dit, chaque jour, nous méditons avec la Bible, nous méditons avec le lecteur et tous les mercredis, on retrouve Moni Ange à la radio pour la méditation quotidienne avec ses invités. Et aujourd'hui, nous méditons avec l'église Uphagie. Nous allons plus tard leur permettre de se présenter. Donc, comme je l'ai dit, on continue la méditation. N'oubliez surtout pas, si tu n'as pas encore ton lecteur, il faut le chercher à la ligue, dans les librairies. Tu le mets dans ton sac à la récréation. Si tu n'as pas le temps, tu fais ta méditation à la récréation ou encore le soir au coucher. Et c'est comme ça qu'on apprend à grandir avec le Seigneur. La méditation, c'est pas seulement que pour les grands, c'est aussi pour les enfants. Donc déjà, je vous dis merci d'être à l'écoute de votre émission. Méditons ensemble avec les tout petits. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de nos invités. Et nous commençons par l'enfant à ma gauche. Je me nomme Amezado Adjo Melissa Victoire. Je viens de l'église Uphagie Gonzague. D'accord, tu as quel âge? Tu fais quelle classe? J'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e. D'accord, oui. Je m'appelle Kwadio Yofami Aza. Je suis dans l'église Gonzagueville. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Tu es dans l'église Gonzagueville. Quelle église? Uphagie. Ah, Uphagie, d'accord. Je me nomme Meni Mondega Aimé. Je suis en classe de 4e. J'ai 12 ans. Je suis à l'église Uphagie de Vridicité. D'accord, à l'église Uphagie de Vridicité. Donc, c'est l'église Uphagie. C'est Vridi aussi? Gonzague. Et toi? Gonzague. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter notre méditation. Donc, nous allons demander à Azaf de prier pour nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu as permis qu'on puisse se rendre ici sain et sauf. Seigneur, nous allons commencer, Seigneur, ta parole. Seigneur, viens, Seigneur. Permets que nos cœurs soient disposés en ta parole. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Amen. Merci Azaf pour la prière. Nous allons dès à présent passer à la lecture de notre test et nous lisons avec Mélissa. Jean 6, sur le verset 32 à 35. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Merci Mélissa pour cette belle lecture. Nous allons dès à présent commencer la compréhension de notre texte et notre méditation se passera en trois parties. Nous allons d'abord chercher, nous allons faire l'observation. Après l'observation du texte, nous allons passer à l'interprétation. Donc chercher à comprendre ce que ces versets-là nous disent, comment est-ce que nous-mêmes nous les comprenons. Et par la suite, nous allons appliquer les enseignements, les exemples que nous aurons dans ce texte à notre vie. D'accord. Donc maintenant, nous allons maintenant chercher à savoir qui nous parle dans ces versets que nous venons de lire. Oui, Asa. C'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler au verset 32. Et là, est-ce que Jésus parle seul? Il parle pas seul, il parle avec qui? Disons, il parle à qui? Oui, Mélissa. Il parle avec la foule. Il parle avec la foule. C'était à quel peuple il parlait? Oui, Aimé. Le peuple juif. Donc, Jésus parlait aux Juifs. Et qu'est-ce que Jésus leur disait? Oui, Mélissa? Jésus leur disait que son pain était le vrai pain de vie. Son pain était le vrai pain de vie. De vie. Oui, une autre proposition de réponse. Oui, Aimé, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Jésus leur disait ici que ce n'est pas Moïse qui leur donnait le pain du ciel, mais que c'est son Père qui est dans les cieux qui donne le vrai pain de vie. Et par la suite, qu'il a dit quoi? Oui, Asa. Il a dit que, car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel. Il leur a dit quoi encore? Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Et celui qui croit en moi n'aura pas soif. Donc, celui qui aura mangé le vrai pain n'aura jamais faim, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Maintenant, pourquoi Jésus leur dit tout cela? Oui, dites-moi. Oui, Mélissa. Pour qu'ils croient en Dieu. Pour qu'ils croient en Dieu. Mais je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Jésus puisse dire tout cela? Ici, on est toujours dans le miracle où Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons également. Où il avait enseigné la foule jusqu'à... Après, tout le monde était fatigué. Donc, ils étaient tellement nombreux. Il a multiplié le pain. Il a donné. Comme Asaph l'avait dit, après Jésus a traversé, il a pris la barque, Jésus est parti. Et la foule, ils n'ont même pas vu Jésus partir. Donc, ils ont commencé à chercher Jésus. Et qu'ils ont commencé à chercher Jésus, Jésus dit, vous me cherchez à cause du pain. C'est-à-dire, comme j'ai multiplié pain, vous avez mangé là. Vous me cherchez pour que je puisse faire toujours le même miracle. Je paraphrase pour vous, hein. Pour que je puisse encore faire le même miracle pour vous. Donc, après, ils ont dit non. Que nous-mêmes, à nos pères, ils ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Et il leur a donné le pain du ciel. C'est-à-dire que Moïse leur a donné le pain du ciel. N'est-ce pas? Vous connaissez bien l'histoire de la manne ou le pain qui était au ciel pour tomber. Donc, les Juifs disent à Jésus que nous-mêmes, nos pères, là, ils ont mangé le pain qui est venu du ciel. Toi, tu penses qu'on te suit à cause de ton pain. C'est ça, maintenant, Jésus leur dit, attention, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain. Et le vrai pain dont Jésus parle ici, là, il s'agit de... C'est de quoi il parle? Dites-moi. Oui, Asa. La parole de Dieu. La parole de Dieu, oui. Oui, Asa. La vie ici, c'est Jésus. La vie ici, c'est Jésus. C'est Jésus, la vie. Donc, on va essayer de remplacer le pain par Jésus. Et puis, nous, on va mieux comprendre le texte. Qu'est-ce que Jésus veut leur faire comprendre ici? Oui, Asa. Ce que Jésus essaie de leur dire ici, c'est que ce n'est pas du pain seulement qu'ils puissent se nourrir. Que le vrai pain, c'est la parole de Dieu, c'est lui. C'est lui qui est le vrai pain. Mais celui qui aura le vrai pain, il n'aura plus jamais faim. Hein? Qui veut avoir faim ici encore? Imagine si toujours, toujours tu es rassasié. Est-ce que tu auras problème encore? Non. Tu n'auras plus de problème et puis tu n'as jamais soif. Donc ton argent va rester. Tu n'as pas payé manger. Tu n'as pas payé tes lots. Non, tu es toujours à l'aise, n'est-ce pas? Oui, autre interprétation, Aimé. Moi aussi, c'est le verset 32. Vas-y, lis, vas-y. Ici, Jésus, elle a fait comprendre que le pain de Moïse n'est pas le vrai pain. Mm-hmm. Mais le pain qui descendait du ciel était le vrai pain. Mm-hmm. Et il a dit, celui qui... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Maintenant, ici, on nous dit le pain de vie, ça donne quoi? Le pain de Jésus, ça donne quoi? Oui. Ça donne la vie. Ça donne la vie éternelle. Donc, ça donne la vie. C'est à cause de ça que Jésus dit que la personne n'aura jamais soif. Parce que, si tu n'as jamais soif, tu n'as jamais faim, mais tu n'as plus de soucis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne jamais avoir soif, ne jamais avoir faim? Jésus nous l'a dit dans le passage. Oui, Aza. Pour ne jamais avoir faim, il faut qu'on vienne à Jésus. Et pour ne jamais avoir soif, il faut qu'on croie en lui. Il faut qu'on croie en lui. Maintenant, on vient. Moi, je voulais plutôt te demander, quand Jésus dit ici, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je voulais demander comment nous, on vient à Jésus. Comment? Oui, Aza? On vient à Jésus par la parole. Par la parole, par sa parole, n'est-ce pas? Oui, tu veux l'ajouter, vas-y. En acceptant le Seigneur. Oui, on vient aussi à Jésus en l'acceptant, parce que c'est quand on l'accepte qu'on vient à lui, on commence à marcher avec lui. Donc, aujourd'hui, si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif. Est-ce que c'est une faim physique? C'est-à-dire où tu as faim jusqu'à... Tu ne peux pas parler à des gens qui sont faim, là. Et tu es faible comme ça. Est-ce que c'est de cette faim qu'il s'agit? Non. Il s'agit de quelle faim? Oui, aimé. La faim dont on parle ici, c'est celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Donc, la faim dont on parle ici, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Donc, la personne a faim de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rassasié de Jésus? Pour ne plus avoir faim? Oui, Aza. Il faut venir à Jésus, accepter Jésus. Et le pain, il a parlé de pain. De vie. Il a parlé de pain, il a parlé de nourriture et il a parlé de boisson, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est représenté dans nos assemblées en communion à la table du Seigneur avec le sang de Jésus, le corps de Jésus. C'est juste une représentation. Mais aujourd'hui, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu viens à lui, tu auras le pain de vie. Et le pain de vie, ça donne la vie éternelle. Ça donne la vie éternelle. D'accord. Chaud, chaud, chaud. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud. Si tu es chaud. Chaud. Si tu es chaud. Chaud. Dieu te bénira. Amen, amen, amen, amen, amen. Amis auditeurs, petits camarades à l'écoute de la vie, et ce matin, si vous venez juste de nous rejoindre à notre rendez-vous de Méditons Ensemble, sachez que nous avons déjà commencé depuis peu, et aujourd'hui nous méditons dans le livre de Jean, le chapitre 6, versets 32 à 35. Et au microphone, c'est votre monitrice Ange Adjé, accompagnée de l'école du dimanche de l'église Uphagie. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'échange que Jésus a eu avec les Juifs après avoir fait le miracle de la multiplication des pains. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les Juifs, eux, ils se préoccupaient de la nourriture charnelle, c'est-à-dire la nourriture qui nous donne la force, qui nous permettait d'être bien portants. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a fait? Jésus, lui, il se préoccupait plutôt de la nourriture spirituelle. Donc, il attirait leur attention sur le pain de vie, celui dont on a besoin aujourd'hui réellement. Donc, il s'agissait pas de la manne dont le peuple juif parlait concernant leur ancêtre Moïse. Donc, Jésus leur demandait de venir à lui. Et c'est lui seul qui peut combler la faim et la soif. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. Et si tu as Jésus au quotidien, tu n'auras jamais faim. Tu n'auras jamais soif spirituellement. Parce que la vie qui est Jésus, qui est le pain, nous l'avons. Donc, du coup, on est à l'aise. On n'aura pas faim, n'est-ce pas? Et ce matin également, oui, je te donne l'invitation de venir à Jésus pour ne pas avoir faim, de venir à Jésus pour ne pas avoir soif. Et nous continuons toujours dans notre méditation et là, nous sommes à la phase de l'application. Dites-moi, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre test? Oui, aimé. L'exemple à ne pas suivre. Oui. Il ne faut pas faire comme le peuple juif Oui, qui se préoccupait. Je ne m'occupais seulement que de la nourriture physique. D'accord. Et puis, de la nourriture physique, mais il faut se préoccuper plutôt de la nourriture spirituelle. Donc, de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu, de Jésus lui-même qui est le pain. Et ce pain-là aussi, nous nous nourrissons de cela à partir de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Chaque jour, la même manière, quand tu te réveilles matin, tu dis, papa, je veux mon petit déjeuner pour aller à l'école. C'est de cette même manière, chaque matin, tu dois te nourrir de la nourriture spirituelle. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? L'exemple à suivre, c'est de venir à Jésus pour ne plus avoir faim et croire en lui pour ne plus avoir soif. D'accord. Donc ici, l'exemple, c'était de ne pas faire comme le peuple juif qui se préoccupait surtout de la nourriture physique, comme il est en train de le rappeler à Jésus pour dire que nos pères, ils ont mangé le pain de Moïse qui est venu du ciel, c'est passé ici, tout cela. Non. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Nous devons plutôt nous préoccuper de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Chaque matin, si tu n'as pas mangé la parole de Dieu, il ne faudrait pas que tu sois à l'aise des... N'est-ce pas? Oui. D'accord. Qu'est-ce que le texte nous enseigne d'abord sur Jésus? Est-ce qu'il y a un enseignement sur Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on apprend sur Jésus, sur ce texte-là? Oui, Aza? On apprend que Jésus est le pain de vie. On apprend que Jésus est le pain de vie et celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Et aussi n'aura jamais soif. Donc on apprend que Jésus est le pain de vie. Jésus est la nourriture qui nous comble totalement, la nourriture dont nous avons besoin chaque jour, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une promesse ici à laquelle nous devons croire? Oui. Mélissa. La promesse, c'est le verset 35. La promesse se trouve au verset 35, oui. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc cette parole-là, nous devons croire en cette parole-là. Et c'est réel, c'est-à-dire celui qui vient à Jésus. Aujourd'hui, si tu as faim, tu es faible, et cette faim-là, elle est représentée spirituellement. Et vous voyez, des fois, qu'on a faim physiquement, quand ça se fait 3 jours, tu n'as pas mangé, tu es faible. Imagine les gens qui font 1 année sans lire la parole de Dieu. Imaginez comment ils sont spirituellement. Ouh! Donc aujourd'hui, Jésus nous invite à manger la nourriture spirituelle. C'est pourquoi chaque jour, je vous encourage à avoir vos lecteurs. Parce que le lecteur, ça facilite la méditation à la maison. Ça facilite la méditation, la lecture de ta Bible. Donc, il faut être toujours connecté à Jésus par sa parole de Dieu pour être toujours rassasié spirituellement, si je peux le dire. N'est-ce pas, les enfants? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on retient ce matin qu'on souhaite mettre en pratique? Aimer. Moi, je retiens ici que Jésus est mon pain de vie. Et je dois mettre toute mon espérance en lui. Moi, c'est ce que moi, je retiens. Jésus est ton pain de vie, donc je dois mettre toute mon espérance en lui. D'accord. Oui, Aza. Moi, je retiens que Moïse n'a pas donné le vrai pain. Que c'est Jésus qui est le pain de vie. Donc, c'est Jésus qui est le vrai pain. D'accord. Donc, je dois croire en lui pour ne pas avoir faim et pour ne plus avoir soif. C'est ça, parce que le pain de Moïse, aujourd'hui, on l'a toujours. On n'a plus le pain de Moïse. Le pain de Moïse, c'était juste pour une circonstance que Dieu a envoyé ce pain. Et aujourd'hui, on n'a plus. Mais Jésus, il est venu, il s'est donné à la croix pour nous donner la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, on bénéficie toujours de la vie. Donc, c'est Jésus qui est le vrai pain. Et c'est le vrai pain qu'on doit avoir, c'est-à-dire c'est de ça qu'on doit se nourrir chaque jour et on le fait au moyen de la parole de Dieu par la méditation de la parole. D'accord, merci Aza. Oui, Mélissa, qu'est-ce que toi tu retiens de cette méditation? Moi j'ai retenu que c'est Jésus qui a le vrai pain de vie et que si tu crois en Dieu, tu n'auras jamais faim. Et tu n'auras jamais soif. Si on se soucie de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, on va grandir spirituellement, on va être mû spirituellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vivra éternellement parce qu'on n'aura plus faim, on n'aura plus besoin d'autre chose pour se nourrir. D'accord. Donc, petit camarade à l'écoute, en ce matin, je t'invite à relire le verset 35 qui nous donne l'invitation où Jésus nous demande de venir à lui pour ne plus avoir faim et ne plus avoir soif. Donc, c'est vrai que tout aliment nous donne les vitamines, nous donne la force et à celui qui en manque surtout. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à manger de son pain, à manger de son pain qui donne la vie éternelle et surtout pour toujours. Et pour le faire, il faut croire simplement en Jésus et tu vivras toujours avec Dieu. Nous avons été très, très heureux d'avoir partagé ce petit test avec toi. Et d'ici là, nous te souhaitons de rester toujours connecté avec Jésus qui est le pain de la vie au moyen de sa parole par le lecteur cadet. Et nous te donnons rendez-vous le mercredi prochain avec d'autres enfants pour un autre test de Méditons ensemble. D'ici là, porte-toi bien et que Papa Jésus te bénisse. Amen. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.